Chapitre 39e. Signor, la bombe. Comme les convives venaient d'entamer leur deuxième assiette de macaroni, tout à coup, Fungetti se frappa le front. « Ah ! S'écria-t-il. « Je vous le disais bien, Miss Eden, il faudra m'excuser. »« Pourquoi ? Qu'y a-t-il ? » ? Je suis l'homme le plus distrait de la terre. « Voilà que nous mangeons le macaroni, et j'oublie ce qui l'accompagne. »« Quoi donc ? » ?»« Le vin d'Asti. Genasti Spumante, une merveille. » Je l'ai mis de côté justement pour le jour où me feriez cet honneur de venir chez moi. Il se leva de table. Je vais le chercher. Excusez-moi deux minutes. Il se disposa à sortir. Mais Paulin Broquet le saisit au passage et l'arrêta. Laissez. Le domestique peut l'apporter. Jamais, jamais, expliqua Fungetti. Le vin, c'est le maître qui s'en charge. Où est-il, cet Asti ? À la cave, dans le sable. Oh ! S'écria Miss Eden. Vous n'allez pas descendre à la cave. Voyons, descendre et remonter pour du vin. Si, si. « Je ne me pardonnerai jamais cette négligence. »« Nous ne tenons pas à l'Asti. Le macaroni est très bon sans lui. »« Il sera meilleur, excusez-moi. » Il essaya de s'en aller. Mais Paulin Broquet le retint encore. « Je vous en prie, laissez-moi aller. Vous me rendez très malheureux. »« Restez, mon cher, restez. Tant pis pour l'Asti. Il n'aura pas le plaisir d'être bu par Miss Eden, mais nous ne voulons pas que notre amphitryon nous abandonne un seul moment. » Oh, c'est trop aimable, mon cher Paulin Broquet, mais je vous assure que si vous ne me laissez pas aller, je me croirai déshonoré. Je puis vous affirmer qu'il n'en sera rien. Restez, mais restez donc. Fungetti, d'un coup brusque, voulut se dégager. Non, il faut que j'aille le chercher. Paulin Broquet avait la pointe solide, il ne céda point. En riant, Fungetti entrama une courte lutte avec son convive. J'irai, j'irai, il le faut, j'irai malgré vous. Fungetti mettait de plus en plus de la force, il voulait absolument sortir. Mais Paulin Broquet, au contraire, tenait à ce qu'il ne quittât point la salle à manger. Tout en essayant de rire encore, Fungetti, par un coup de surprise, de lutte violente, tenta d'échapper aux mains de Paulin Broquet. Mais des mains de Paulin Broquet, rien ne s'échappait que quand il le voulait bien. Paulin Broquet était trop bon lutteur pour être surpris par les essais de fuite de l'amphitryon. Brusquement, il le ramena à sa place et le força à s'asseoir sur sa chaise. « Allons, » fit-il. « Puisque Miss Eden vous dit de rester, obéissez. » Fungetti, maintenant très étonné, regardait Paulin Broquet avec stupeur. Il ne comprenait pas. Il ne pouvait pas encore savoir dans quel sens et pourquoi Paulin Broquet venait de lui dire de rester sur ce ton de cette façon. « Allons » s'écria-t-il, voulant plaisanter encore. « C'est la lutte à qui sera le plus entêté. »« C'est moi !» dit carrément Paulin Broquet. Et comme Fungetti se levait, Paulin Broquet de nouveau, lui plaquant les mains sur les épaules, le fit retomber sur sa chaise. « Restez, » dit-il fermement, « je vous tiens, vous ne pouvez vous en aller. » Fungetti recula alors la tête pour mieux voir Paulin Broquet. Les regards des deux hommes se croisèrent. Fungetti tout à coup comprit, et ses yeux maintenant exprimèrent la terreur, la rage. « Non, » cria-t-il, « non, tu ne me tiens pas !» Il leva la main était armée d'un revolver. Avant qu'il ait pu braquer son arme dans la direction du détective, Miss Eden lui saisit le poignet. Elle le tordit selon la méthode japonaise, le pouce en dehors. Fungetti poussa un cri de douleur, puis un hurlement de colère impuissante, le juron suprême des vaincus. Il roula à terre sous Paulin Broquet, qui en deux tours de main lui passa une chaînette d'acier au poignet, le mit dans l'impossibilité de nuire et surtout de fuir. À ce moment, car le comique ne perd jamais ses droits, au plus fort du tragique, un coup de timbre retentit, et peu après, le domestique apparut à la porte de la salle à manger. Sans doute, ayant entendu du bruit autour de la table, et désireux de savoir ce qui se passait dans la salle à manger, usait-il de ce prétexte pour se montrer sans avoir été appelé par son maître. « Seigneur, seigneur, c'est la bombe du pâtissier !»« Ah, son seigneur se souciait fort peu de la bombe en ce moment !» Mais comme le domestique, ayant vu son maître à terre, attaché, après son premier moment de stupeur passé, allait s'enfuir, Simon bondit sur lui. À son tour, il le coucha à terre, lui passa les menottes. Paulin Broquet alors se tournant vers la portière. « Ici la bombe, entre, entre, mon garçon !» Gabriel, en garçon livreur de pâtisserie, apparut. « Tu arrives bien à un point, » fit Paulin Broquet. « Et les autres ?»« À leur poste. Le médecin ?»« Prévenu, on attend l'homme. »« Bon, dis à l'amorce de faire avancer la voiture, et qu'on surveille bien les alentours. »« Oui, chef. » Gabriel se retira, et dans 6 mois emportait le domestique, qui semblait tout effaré et ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Paulin Broquet releva Fungetti et l'assit sur sa chaise à laquelle il le lia encore par surcroît de précaution.